Geist mit dem Angriff.

revoilà. Bon. On a bien foutu le bordel. C'est cool, on a fait peur au voisin et désolé le voisin, désolé Pierre-Yves. On lui a fait un petit coup de stress au speaker et il est pas bien habitué. Comme d'habitude, il n'a jamais trop rien dit. Mais là ce soir, bon, on s'excuse vraiment. Quoi. C'est la faute à monsieur Tien de la Casque qui a assumément bourriné comme un salopard. Besoin d'évacuer une petite énergie comme ça. Peut-être un retour de Bretagne festif. En tout cas, le moral est là parce qu'il a pas mixé ambiance ce soir et elle a bien tartiné. Hein ? Voilà. Donc on est ravis d'accueillir Grave et Arioche qui sont dans nos locaux. Dibalobus, la veste frayée. Le truc qui se fait plus du tout. Mais il en a toujours. Respect, il faut savoir distinguer.